Tu m'aurais fréquenté si j'avais rien dans les poches. J'ai dû quitter le quartier pour tes yeux sur moi se posent. Besoin de 5 pierres pour sale boulot. Pour Chanel bag, j'ai fait ce qu'il faut. T'es mes doutes, c'est toi le bourreau. J'ai le cœur en mandat dépôt. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ici bas sans toi ça devient la merde. Oh. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ton sourire avant la tempête. Oh. Toi t'es pas comme les autres, tu m'as qui mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Toi t'es pas comme les autres, tu m'as qui mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Avec toi je fais le tour du monde. Il suffira de capturer le temps. Avec toi je fais le tour du monde. Il suffira de capturer le temps. Mon bébé, moi j'ai rien à perdre. Donne ta grand-mère si tu mens. Laisse tomber ces morts si j'apprends t'as déjà fait la teinte. On peut faire le tour du globe, peut exaucer tous tes vœux. On verra tes cheveux débordés du toit du féfé. Mais faut que tu me fasses un minimum confiance. On ira pas loin si t'écoutes les gens. Il faut que tu me fasses un minimum confiance. Si t'écoutes les gens. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ici bas sans toi ça devient la merde. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ton sourire avant la tempête. Avant la tempête. Toi t'es pas comme les autres, tu m'as qui mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Toi t'es pas comme les autres, tu m'as qui mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Avec toi je fais le tour du monde. Il suffira de capturer le temps. Avec toi je fais le tour du monde. Il suffira de capturer le temps. J'voulais seulement viser la lune. Mais j'me retrouve si bien sous terre. J'voulais seulement viser la lune. J'voulais seulement viser la lune. Mais j'me retrouve si bien sous terre. J'voulais seulement viser la lune. Mais j'me retrouve si bien sous terre.